1. Picaouette, le ver de terre. Nous sommes dans la maison de la fée Flagadelle. Trompette, un jeune garçon, lit son journal, assis dans un rocking chair. Flagadelle décore le sapin de Noël. Dans un gros paquet cadeau, apparaît la tête d'un drôle de ver de terre tout vert. Il s'appelle Picaouette. Et voici qu'il s'adresse à nous. Picaouette. Bonjour les enfants, et bonjour aussi les grands-enfants. Tout le monde va bien? Moi aussi, merci. Savez-vous qu'ici, au pays des miracles, c'est bientôt Noël? Moi, j'aime beaucoup Noël, parce que le gros bonhomme à la barbe blanche va s'envoler dans le ciel sur un traîneau débordant de cadeaux. Comme dans la chanson. La chanson! Dans son manteau rouge et blanc, sur son traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Oui, bien sûr, on pensera à éteindre le feu dans la cheminée. Je ne veux pas que le Père Noël se brûle les fesses, moi. Vous écrivez une lettre au Père Noël, vous? Moi, oui. Avec l'aide de Flagadelle, bien sûr, parce que je ne sais pas écrire, je suis un ver de terre. J'adore Noël. C'est magique. La maison est décorée. Il y a des guirlandes et des lumières qui clignotent. Et puis, ça sent bon le pain d'épices et le chocolat chaud. On écoute de la musique dans les rues et les gens sont plus gentils que d'habitude. Oh, si cela pouvait être Noël tous les jours, ce serait merveilleux, non? Au fait, je m'appelle Picaouette. Je suis un ver de terre, tout vert, gentil et aussi rigolo. Je suis le meilleur ami de Flagadelle. Vous connaissez Flagadelle? C'est une fée. Oui, oui, une fée gentille, mais qui n'aime pas trop se servir de ses pouvoirs magiques. Des fois, j'oublie même que c'est une fée. Mais c'est une fée. Picaouette. Dans le fauteuil à bascule, le petit bonhomme, qui fait semblant de lire un journal, s'appelle Trompette. C'est le petit frère de Flagadelle. Mais lui, ce n'est pas une fée, ni même un magicien. Il s'appelle Trompette parce qu'il ne savait pas parler quand il était petit. Il s'exprimait en jouant de la trompette, pouette-pouette. Maintenant, il sait parler, mais il joue encore de la trompette, des fois, juste pour le plaisir de m'embêter. Je l'aime bien, Trompette, il est chouette, même si on se dispute souvent pour rien, un peu comme des frères. Parce que les frères ou les sœurs se disputent souvent, même quand ils s'aiment bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Savez-vous ce qui nous est arrivé une fois? On a failli perdre le Père Noël. Oui, oui, je vous jure, c'est vrai. Oh, quelle aventure! Tiens, je vais vous la raconter. Chut, c'est passionnant, écoutez bien. Cela se passait au mois de décembre, quelques jours avant Noël. Flagadelle décorait le sapin, comme aujourd'hui. Trompette faisait semblant de lire son journal dans son fauteuil à bascule, comme aujourd'hui. Et moi, j'étais dans mon paquet cadeau, comme aujourd'hui. Et je les regardais.